Ukulelanga, eske ukulelanga ya solo. Medar melandu, ukulelanga, tam tam do, na brazari. Mokolo na kokufa, eske ukulatelanga mokuya. Bote kol, kamo bako pesa yo malo bana simetiani ni okolo bana miso ya bato. Yoko linga kanga ite. Kaletondo, visa 2000. Eske ulinga kanga. Président Kimayola. Exode baby. Konzi ya bayaka Joki sisi ye Wapi Tirol Mwama inawe ya muki wano tina kantini Usube ya ngato sukula Eske yuso deli Mokolo yango yawe Toto mandiki mwana nzambe Mokolo yango Eske okole langa Omar, mama e peti e pina e mbaba yoka Omar, mama na komeka koli misae soki pena koko kaposo nyele kinga Elikia senanza mwe Na piki pende na nusambo Horizon masamba Antolo ngange mukila gila Yonae libango masuwa ya bolinga na biso esemi Yonde moto pona kiyangwe Soki beba ngandoe Soki beba ngubuwe Banyuka na bambo bezespe Yonde moto poni yangwe Ibongo yo Presinga Ngunda wa ngunda Sala lelo yo toko minde kukabwana Na tango tozinde banko Kongo pasie Leo Somme André Kimbuta yango Yango e utinde musika Bana kinchasa bako minde kokamwa Baflate abasili sinde maloba Bako nanenga nalikambo baye bitina te Nani epesanga rezon na fami oyo Banda benginga iproxenet Fote na yete feble sa mama muziki Nana lotindo to kate butu Nana kate bali nazani ne kokufa oyo Diyo mbusu, kisalume banda Na moni yona mosika, yona manda na kati ya bwato Popakola engola po atila Popa monanga, na tombo linde loboko Ukanginga iloboko, sima otindikinga na ebale Mpona chola mama na kufae Bae babali sabiso bakene Honorable Évariste Bouchard, mon conseil. Na cité salongo epaya ya piele ngaiki dibako ebate excellence Adolphe Muzito fale na yeba ya jolu meuble PDG makambo papa Edouard boli mopelo kolande masanga ezali na notice dinte po yeba bako po boni o komela ye polango ateo Mama ngai na langwe pasi La mère sango, mwana funa Mwakoko baloba boye Mboloko ya zonga kanela ngali ya kilobi Yewana kanga makana motambo na yoki Banda kanga mina motambo e Mwakoko baloba lisusu boye Motala na katabane sobe ya nzube Yewana zoka kanga sende ya esobe Zoki sende na motema e Zoun d'ambiance Il fale na yoka Toli a fula mambu ya jeje Il fale na yoka Total planetaire A nalisi baba il fallait na yo kajo kisisi na janobi na no il fallait lundi matin pardon ya nguma bosenga kanga na hotel ya Charlie il fallait na eba yende mota tongela enda kwa ba pigeon après sa fille nous saluons le colonel Rémi Agnias est-ce que au colelanga tir mio canabisel au colelanga est-ce que au kombimisa maina miso Rito, roi du patron du Kai. Est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Didier Manyang Mosakba. Oh, Mama Yona, combien aïeux-tu en souci? Qui est Mayolas à Brazzaville? Oh, Yona, combien aïeux-tu en succès? Pas de modèle, Yona, n'a pas de modèle, Mama Nanda. N'a pas de modèle, Yona, n'a pas de modèle, Nanda. Mathilde Benata, restaurant Bouche Camp à Lubumbashi. Papa Yves, Papa Moise, à Koumézi. Parfois, ma tika est bonwe. Aloula na e bisengo, mina e a mafou mafoué. Esbel Banaki, Union, Solidarité et Développement. Président Ignace Debout, sénateur. L'honorable Patrick Bologna. La Brazzaville, conseiller Paul Mboulou, conseiller Adolphe Ntari. Yawali, papa la Karine. Mibaramo, José Perrier Nabangui. Emery Kipoulou. GG, GG Fula Mambo. Alain Delon. Connivence chez Bachelor la Paris. Présent José Zokene, Koumana et Paya Flor, n'a pas marché. Bon appétit, Piero Casati. Hôtel Hamilton, Saint-Jean dans l'Iguala, et Paya Professeur Emile. Loco Fidel Gary, José Makabi. Pas à Paris.